C'était un jour de pluie, c'était un jour de journée. Il aurait su, il aurait fui, son parapluie à ses côtés. Les gargouilles l'ont observé, tandis qu'il cherchait un sens, qu'il révisait l'alphabet, qu'il doutait de sa chance, cherchant ses mots dans le vide, et dans l'écho fort étonné, il sourit, se fit des rides sur son visage de bonnet, et la cathédrale chantait, et la cathédrale riait, et la cathédrale savait qu'il aurait dû se cacher de Manola, pauvre Manolo, Manolo, oui, Manola, c'était un jour le cargo, c'était un autre le Rwanda. Force est de constater l'imposture des canards. On le dirait infortuné, ridicule dans son costard. Indigné le vent du nord, résigné le cadavre fou. Tirant sur un croque-mort, un afro-car en barmou. Poli soit tutoie tes fraises, usurpant un lapin roux. Essayant d'en faire une chaise, si le veulent les cailloux. En poète il n'a rien vu, en poète il fut déçu. En poète on le fit cocu, et partant lui dit salut. Manola et Manolo, Manolo et Manola. Miam et Milano, Molime, Momimosa. Il bavait sur une épave, sur la poutre d'un chameau. Et du côté de Belle-Nave, on l'avait pris pour Zorro. Il baignait dans un orage, entouré de Mikado. Songeant que malgré son âge, il portait un sac à dos. Il ne cherchait pas de crabe, il les prenait au lasso. Même ceux des cathédrales finissaient sur son bateau. Sur l'océan il chantait, sur l'océan il criait. Sur l'océan ne voyait que des mirages éloignés. De Manola pour Manolo, Manolo et Manola. C'était un jour le cargo, c'était un autre le Rwanda. Manola et Manolo, Manolo et Manola. Mere miam et Milano, Morime, Momimosa. Il bavait sur une épave, sur la poutre d'un chameau. Et du côté de Belle-Nave, on l'avait pris pour Zorro. Il baignait dans un orage, entouré de Mikado. Songeant que malgré son âge, il portait un sac à dos. Il ne cherchait pas de crabe, il le prenait au lasso. Même seul les cathédrales finissaient sur son bateau. Sur l'océan il chantait, sur l'océan il criait. Sur l'océan ne voyait que des mirages éloignés. De Manola pour Manolo, Manolo et Manola. C'était un jour le cargo, c'était un autre roi. Manola et Manolo, Manolo et Manola. Mere miam et Milano, Morime, Momimosa. Manola et Manolo, Manolo et Manola. Mere miam et Milano, Morime, Momimosa.